Après sa passage chez Thibouville, donc, et mon séjour 6 années, je pars faire mon service militaire. Et sans trop de perspectives futures, je rentre de nouveau chez Dieudonné. Et au bout d'un mois, il me dit, si tu veux, j'ai une place à Lille ou une autre à Marseille. Et il me donne l'adresse des deux, je choisis Marseille et j'écris à la maison Granier qui m'embauche sous certaines conditions. Et voilà mon arrivée à Marseille, le 15 janvier 1928.